Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Une table ronde à laquelle sont conviés ce soir Lucien Alflans. Salut Oli, salut Manu. Salut les gars. Et donc Manuel Haas et moi-même, Olivier Grinard, votre hôte ce soir pour un Transmission rétro autour d'une bonne vieille série B bien troussée des années 90. Breakdown, le film de Jonathan Mostow de 1997 qui est reparu il y a quelques semaines en Blu-ray aux éditions Paramount. Donc l'an de grâce 1997 et ce film, Point de rupture en français, ou le titre québécois c'est quoi déjà, monsieur Alflans? Panne fatale, ça pourrait vous arriver. Panne fatale, ça pourrait vous arriver, était donc le titre québécois de ce joli petit succès, comme je l'ai dit, de l'an de grâce 97, soit la même année que Starship Troopers ou Volteface. Ou Les Ailes de l'Enfer aussi, non ? Air Bagnard, dans son titre québécois. Mais ouais, les gars, il faut connaître les titres québécois. Vous allez me laisser finir mon intro, oui ? Bon. C'était donc le deuxième long-métrage écrit et réalisé par Jonathan Mostow après le direct-to-VHS Beverly Hills Body Snatchers en 1989. C'était en fait la première fois qu'il faisait un film dans un système de production hollywoodien. Il a déjà signé un second film auparavant hein, qui est Flight of the Black Angel dont les Dino De Laurentiis et Marta De Laurentiis avaient aidé à la finition. Merci pour cette précision, Manu. Donc je vais maintenant parler de ce Jonathan Mostow dont apparemment j'avais quand même un peu mal fait mes devoirs puisque je n'avais pas pris note de ce deuxième film. Il est né en 61 dans le Connecticut et il est à l'époque, donc à l'époque juste avant de tourner Breakdown, il est attaché au projet de The Game avant que celui-ci ne soit récupéré par David Fincher. Il est toujours crédité comme producteur exécutif sur le film. Oui, justement, ce qui est intéressant, qui aura un lien avec Breakdown, c'est que Kurt Russell était un des choix qu'il avait pour incarner le personnage principal incarné par Michael Douglas chez Fincher. Et donc, alors qu'il travaille à une nouvelle adaptation de Trucks de Stephen King, les producteurs Dino et Marta De Laurentiis voient le projet capoter alors que la pré-production est déjà assez bien avancée. Jonathan Mostow propose donc au producteur, le fameux Dino De Laurentiis, le projet Breakdown dont il écrit le scénario en 3 semaines avec l'aide de Sam Montgomery. Le script contient des éléments communs au film qui était en préparation, donc cette adaptation de Stephen King, puisqu'il contient lui aussi un camion et des décors désertiques. Jonathan Mostow veut proposer le projet à Kurt Russell, qui est à l'époque sur le tournage de Escape from LA. Et donc Jonathan Mostow va le week-end chez Kurt Russell, qui ne veut pas changer d'horaire de son tournage de nuit avec John Carpenter. Et donc c'est toutes les nuits, plusieurs week-ends de suite, qu'ils vont ensemble travailler autour de ce scénario pour être vraiment prêt le premier jour de tournage, puisque il y a toute une histoire que Kurt Russell ne pouvait rester que un très court laps de temps sur le plateau. D'ailleurs, je pense qu'il allait et venait en hélicoptère sur le plateau aussi parce qu'il, visiblement, n'avait pas très envie de dormir sur place. Non, il voulait retrouver Goldie Hawn, n'est-ce pas, bah ouais. Après la longue aventure de Escape from LA. Comptant 1h33 au compteur, le pitch de ce thriller, donc Breakdown, est aussi simple qu'alléchant. Alors qu'il traverse les États-Unis avec son épouse Amy, Jeff Taylor tombe en panne au milieu du désert. Un camion s'arrête et propose de déposer Amy au restaurant le plus proche afin qu'elle appelle une dépanneuse. Mais quelques temps plus tard, Jeff parvient à redémarrer sa voiture, se rend au lieu de rendez-vous, mais là, personne n'a jamais vu Amy et aucune trace d'elle. Outre Kurt Russell, on retrouve au casting J.T. Walsh, second couteau du cinéma US, vu notamment dans Anna et ses sœurs de Woody Allen en 86, ou dans les films de John Dahl comme Red Rock West en 93, ou La Seduction en 94, mais il avait fait aussi Tequila Sunrise avec Kurt Russell notamment. Amy est interprétée par Kathleen Kinlan, qui était l'année précédente dans Apollo 13 de Ron Howard. Et enfin, signalons surtout que la musique du film est signée Basil Poldouris. S'il est relativement sorti des radars aujourd'hui, Jonathan Mostow a enchaîné avec le succès du film de sous-marin, enfin enchaîné à l'époque, U-571 en 2000, avant qu'il ne soit embauché pour réaliser un film pas du tout attendu, Terminator 3 Rise of the Machines, en 2003. Et c'est là que les choses se gâtent. Mostow, il a 36 ans quand il tourne... Quand il tourne Breakdown, et d'une certaine manière, tu sens que c'est un, il a beau se positionner dans le cinéma d'action de l'époque, avec tout ce que ça comporte, notamment le climax du film, il est vachement héritier quand même du cinéma des années 70, du cinéma paranoïaque des années 70, et c'est quelque chose qui infuse, et c'est assez intéressant, notamment comment il travaille ça tout au long du film, et ce côté aussi encore de films ramassés qui s'en tient uniquement au point de vue de son personnage, qui fonctionne extrêmement bien justement dans son épure, qui épouse tous les contours du personnage et de manière assez intéressante, même dans la construction, je trouve, du couple et du choix de casting entre Kurt Russell et Kathleen Kinane. Et je trouve qu'il y a une habileté à te faire croire, à la fois dans le choix du casting et dans quelques petites scènes, un couple qui existe en fait, et qui fait que tu peux comprendre l'attachement du personnage de Kurt Russell quand tout d'un coup sa femme va disparaître, et aussi la paranoïa au fur et à mesure par petites touches qui va plus qu'au fur et à mesure. Dès le générique, il y a déjà ça, et dès les premiers plans, on pense pas mal à Duel directement, surtout, enfin pour moi, dès le générique, et surtout dans sa manière d'utiliser le pick-up noir. Et de manière générale, sur les choix de placement de caméra qui instigent la parano vraiment dès les premiers plans. Duel fonctionne sur une lecture beaucoup plus mythologique ou entre guillemets beaucoup plus fantastique. Oui, bien là, sûr. Tout de suite, on est confronté à qui sont ces personnages-là. Et il y a ce glissement avec cette scène assez géniale quand il finit par rattraper le personnage donc il soupçonne avoir enlevé sa femme, puisque sa femme, donc on n'a pas réellement totalement pitché le film, et donc il se retrouve en pad sur l'interstate américain, et il y a déjà une position d'insécurité parce qu'ils sont rattrapés par deux chauffards, deux gars, et qui le personnage de Kurt Russell a eu déjà des chauffourées 5 minutes auparavant, où il sent pas vraiment à l'aise avec ces personnages là et ils sont sauvés par un routier qui arrive et qui propose de les dépanner, qui va amener le personnage de la femme de Kurt Russell dans un diner, et quand Kurt Russell arrive au diner, il y a aucune trace d'elle. À un moment, tu peux penser à une méprise du personnage, et puis progressivement, il va rattraper ce personnage de routier, et c'est même pas le fait de « je l'ai déposé, vous avez dû la rater, je ne vous ai jamais croisé ». La première vision, je me souviens m'être vraiment demandé si c'était le même gars, quoi. C'est justement cette efficacité qui fait que tout d'un coup, quand ce film débarque, le nom de Mostow un peu s'impose dans le paysage. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un sleeper hit. C'est pas du tout un film qu'on attend et qui va progressivement quand même faire sa place. Moi, j'ai une lecture de la filmo de Mostow à cet honneur-là. Je pense que ces deux films qui auront marqué sa filmo, qui sont ses deux premiers films hollywoodiens, qui vont être le film suivant, sont deux films qui sont marqués par un certain schéma paranoïaque, entre guillemets. Et quand tout d'un coup il va se détacher déjà d'une économie de série B et de cet ancrage-là, d'une certaine manière, pour moi il va se perdre un petit peu. Ça reste un très bon faiseur. Il y a plein de choses assez réussies par exemple dans Terminator 3, mais il y a notamment tout le traitement de l'humour qui fonctionne pas du tout, quoi. Il y a plein de problématiques, c'est pas le pire des suites hors Cameron, mais je pense qu'il s'est perdu dans un cinéma tout d'un coup qui n'était plus celui auquel il appartenait, en fait. Ouais, moi je suis très peu connaisseur du cinéma de Mostow. J'ai vu que celui-là et son film de sous-marin 571. Tous les deux pour lesquels j'ai de la sympathie, celui-ci même plus que de la sympathie. Pour rebondir sur plein de choses que tu viens de dire, je pense qu'il y a moyen aussi à certains moments dans le côté plus western du film de penser au Wake in Fright de Ted Kotcheff. Et à nouveau, on est dans le regard du personnage principal qui regarde ces personnages vraiment comme des... ces habitants de ce petit bled vraiment comme des... vraiment comme des cow-boys cutéreux, enfin bon, et dans ce rapport-là, il y a un peu un truc semblable avec le prof dans le Ted Kotcheff. Comme tu l'as dit, Manu, c'est vraiment un modèle d'écriture épurée, immersive, qui semble penser vraiment à tout moment à son rendu à travers l'action, quoi, mais qui n'est pour autant pas limité à son carcan de série B, qui n'est pas dépourvu de propos, et puis surtout qui est, dans ce que le film veut faire, proche de la perfection, à mon sens. On a tendance, à un moment, à demander beaucoup au film, mais ils ont un rôle premier à remplir, et celui-ci le remplit admirablement. Je parlais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure, et je rebondissais sur toi en disant qu'en effet, le film est agencé à la première personne et qu'il y a vraiment une adéquation qui se crée entre toi en tant que spectateur et ce personnage de Kurt Russell. Il y a une scène que je trouve particulièrement brillante là-dessus, c'est la scène où il doit aller retirer de l'argent à la banque, où en fait il va utiliser la paranoïa du personnage pour te la refiler à toi en tant que spectateur. Et je trouve ça vraiment, vraiment malin, vraiment, vraiment très bien mis en scène. Donc c'est en gros un moment où il doit aller retirer de l'argent dans une banque, il veut faire passer un message au banquier, et il y a un quidam ou pas, on ne sait pas, qui est dans cette banque et qui vient poser une question au banquier, qui s'installe à côté de lui. Et à ce moment-là, tout le rapport entre le banquier et le personnage de Kurt Russell, dont j'ai oublié le nom, se métamorphose. Et tout ton regard sur la scène aussi, tout l'espoir que tu pouvais porter, exactement comme le personnage. Et vraiment, sur cette scène-là, je trouve ça brillant. D'autant plus qu'en fait, ça confronte ton propre positionnement en tant que spectateur à la vision de ce monde, je veux dire, rural, routier, qui n'est pas toujours hyper bienveillante. Ouais, mais moi, ce que je trouve, ce qui fonctionne aussi très bien dans cette scène-là, c'est quelque chose qui est installé par petites touches, parce que c'est pas quelque chose que surligne Mosto, mais qui l'installe par des petits échanges au tout début entre Amy et Jeff sur leur situation financière. Exactement. Qui va pas forcément être réappuyé. Et ça va être utilisé par ce petit jeu sur la junk food, où elle a acheté un truc avec une publicité pour ses $90,000 en échange pour une sorte de concours à la noix sur des barres de céréales. Et juste avant qu'il se fasse capturer le personnage de Jeff, tu revois cette barre de céréales, ça te renvoie à ça, et tu comprends, alors que à aucun moment, après, le film ne te le dit, qu'il sauve sa peau en disant qu'il va leur donner $90,000, et tu sais absolument qu'il les a pas sur son compte en banque. Ça crée une double lecture dans cette séquence qui est d'autant plus forte. C'est parfait au niveau de l'écriture, en effet, et en plus ça apporte un truc qui est assez fascinant dans le film. C'est en fait il y a un rapport à l'argent qui est particulier dans le film, enfin qui est intelligemment mené. En fait c'est son rapport à l'argent qui amène le protagoniste, qui est en plus donc Jeff, qui est en plus dans un premier temps assez détestable, à prendre de haut, je veux dire, ses antagonistes qui finiront par renverser le pouvoir. Et c'est aussi cette idée, dès lors qu'il délaisse son unique bien qu'il a, à savoir sa bagnole full équipée flambant neuve, et là-dessus, le film est très épuré, parce que ça suffit à construire le truc, qu'il se métamorphose en une espèce de surhomme capable de tout à coup d'éviter les balles et de résister à un torrent. Juste à partir de ce moment-là, c'est un moment clé, charnière dans le récit. Je trouve ça super malin. Je trouve que c'est une superbe idée de retourner le leitmotiv familial américain pour en faire presque une histoire de clan, où chacun fait des choix pour sauvegarder ceux qu'il aime. À chaque fois, il suffit d'une scène pour humaniser les personnages qui jusqu'alors étaient au mieux antipathiques dans le cas de Jeff. Et c'est en effet avec la première discussion autour de l'argent, etc., où ils vont plaisanter avec sa femme au moment de la panne, que tout de suite il prend un autre carcan, je vais dire. En tout cas, on commence à lui trouver une certaine sympathie. Ou carrément, dans le cas des bad guys, qui sont carrément diaboliques, mais qui, pareil, à travers une scène avec, ou le grand méchant du film, à travers une scène avec sa famille, finit tout de suite par avoir quand même une forme d'humanité qui en fait ça les met sur un rapport je vais pas dire équivalent, mais en tout cas qui permet de les comparer. Et je trouve ça super intéressant d'utiliser vraiment le carcan familial, qui est vraiment le truc qu'on ne peut pas contourner dans la culture américaine, je veux dire, enfin, et de manière générale, hein, mais je veux dire, dans le cinéma américain, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et j'aime beaucoup la manière dont il va jouer de ça pour créer de l'attention, mais aussi pour créer du propos et une humanité chez ces personnages. Ouais, Lucien, juste, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais tu dis que Kurt Russell va se transformer en surhomme. Et justement, là, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Là où je trouve que le film est particulièrement bien réussi, enfin, il y a plusieurs, vous l'avez dit, hein, l'efficacité dans l'écriture, le fait que ce soit extrêmement resserré, le point de vue unique, la simplicité apparente, là où je trouve que le film est super réussi, c'est que j'ai l'impression que ce personnage ne devient jamais justement un surhomme. Je trouve que Kurt Russell, dans son interprétation, arrive à rester toujours relativement common man, comme ça. Il est même un peu maladroit, en fait, avec le flingue et tout, à la fin, dans la maison, machin. Je trouve que, d'ailleurs, Kurt Russell est très bon dans le film. L'utilisation du mot surhomme n'était pas bonne, mais je veux dire, c'est un moment charnière, c'est un moment où il change son mindset, entre guillemets. C'est le moment où il est plus victime, mais où il va prendre les devants, quoi. C'est ça que je voulais dire. En effet, c'est pas un surhomme parce qu'il est très maladroit à plein de moments. Il perd son flingue, il se casse la gueule. Enfin, on voit entre autres, en effet, dans l'interprétation de Kurt Russell qu'il est pas sûr de lui, et c'est ce qui ajoute à la tension du dernier quart d'heure. Ce qui est assez drôle, c'est que, comme je le disais en intro, Kurt Russell sortait du tournage de Escape from L.A. et donc il s'était retapé. Donc il était un peu plus base que d'habitude, et donc en fait c'est pour ça qu'il est aussi, qu'il a ses fringues si amples. Et dans le commentaire audio, il se moque très très fortement de sa tenue dès qu'il se voit sortir de la bagnole. Cette espèce de polo extra extra extra large est très rigolo, oui. Ce qui est intéressant, tu as cette image un petit peu de cette Amérique rurale pleine de redneck, et il en joue aussi, parce qu'à un moment, quand d'un coup il revient au diner, il s'apprête à passer un coup de téléphone au shérif et intervient un des troisièmes larrons de cette bande, le personnage de Billy, comme ça, qui joue un petit peu l'idiot du village et qui va l'amener à lui dire, mais attendez, oui, je l'ai vu, votre femme, mais de toute façon, tout le monde est dans le coup, même les flics sont dedans. Et en fait, c'est assez intéressant, puisqu'il joue avec des tropes du cinéma de genre vis-à-vis de ce type de personnage-là, et il les renverse. Au final, le personnage stupide à ce moment-là n'est pas celui qu'on croit. Il y avait un truc que tu disais en début d'intervention, Manu, tu disais que c'était un film un peu hors de son temps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et, notamment... À l'époque, il y avait énormément de films, enfin les CGI étaient commençaient à devenir omniprésents. Ici, il y en a très très peu. Il y a quelques camions qui sont ajoutés dans la scène du dépôt routier, et le moment où il va. La ville, c'est du matte painting, je pense, la ville. Tout à fait. Et donc, ce qui est aussi chouette dans ce film, c'est que il y a énormément de choses qui sont faites avec des practical effects, qui sont faites avec des effets physiques, quoi. Et dans la dernière partie du film, c'est vrai que les cascades sont vraiment réussies et sont vraiment impressionnantes, et on sent la tôle froissée, quoi. Et ça fait plaisir aussi à voir. Il y a un côté, en voyant le film, c'est peut-être parce qu'il n'a pas l'ampleur d'autres films dont on peut parler régulièrement dans nos émissions, en tout cas dans les classiques, mais il y a vraiment un truc qui est frappant, enfin, auquel j'ai pensé tout de suite à la découverte du film, que je connaissais déjà, mais c'est de la belle ouvrage, quoi. Vraiment, il y a ce côté, c'est vraiment... Il n'y a rien à redire, quoi. C'est juste le film du dimanche soir parfait. C'est un film qui, pour le coup, qui a pris, je pense, une patine aussi avec le temps, parce que ce type de série B du milieu, parce que c'est pas aussi un immense budget, n'existe plus aujourd'hui, quoi. Déjà, les personnages ne répètent même plus le même âge, tout simplement, et même, il y a, en fait, l'aspect spectaculaire est vraiment repoussé à la toute fin du film, en fait. L'appartenance à ce cinéma d'action des années 90, il n'est vraiment repoussé qu'à l'extrême limite. Ce qui fait aussi que tu crois à ce moment-là, puisque le personnage a tellement subi tout du long, que tu lui permets un petit peu cet aspect pas super-héroïque que tu contestes dedans, mais à cette limite-là, entre guillemets, on est quand même dans une catharsis à ce moment-là qui nous permet un petit peu d'accepter ce côté presque too much de la séquence de fin, quoi. Tout au long du film, il joue sur de la rétention vis-à-vis de ça. Il se retient d'aller dans cette direction, et ce qui fait qu'à un moment, ben, quand elle arrive à la fin, t'acceptes cet aspect plus grandiloquent et un peu too much qui cadrerait moins dans le film qu'on t'a raconté auparavant, quoi. Donc voilà, faut revoir Breakdown de Jonathan Mostow comme son film suivant. Voilà, dommage qu'il ait pas transformé l'essai. Il n'a signé depuis que 3 films, hein, puisqu'il a fait Terminator 3, Surrogate et Unprayer, c'est ça, je crois, un film avec Sam Worthington et qui un film qui est quasiment passé sous les radars, quoi, celui-là. Eh bien, merci messieurs pour cette émission courte et intense à l'image du film dont nous parlions ce soir, Breakdown. Merci Manu. Merci les gars. Merci Lucien. Et merci chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés. À très bientôt. On se retrouve avec un épisode d'actu ou un épisode rétro. On ne sait pas très bien puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va de toute façon publier ces épisodes rétro. Merci beaucoup de votre écoute. Laissez-nous des commentaires. Nous sommes sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tout ça. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Salut.